Le chef de la délégation du Parti et de l'État de la République populaire démocratique de Corée, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique et du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du Parti en séjour à Cuba pour exprimer les condoléances au décès du dirigeant suprême de la révolution cubaine Fidel Castro Ruz, s'est entretenu le 3 décembre à la province de Santiago de Cuba avec Raúl Castro Ruz, premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Cuba, président du Conseil d'État et président du Conseil des ministres de la République de Cuba. Le chef de la délégation lui a transmis un message oral de condoléances du maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée. Raúl Castro Ruz en a exprimé ses profondes reconnaissances et a prié de transmettre ses salutations chaleureuses au maréchal Kim Jong-un. Il a affirmé que Cuba renforcera plus que jamais l'amitié avec la Corée pour développer davantage les relations amicales bilatérales établies par les anciens leaders de deux pays et se trouvera toujours ensemble avec la Corée dans la lutte anti-impérialiste. Par ailleurs, pendant les cérémonies de condoléances, Choi Ryong-hae s'est entretenu avec le premier vice-président du Conseil des ministres, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste cubain et premier vice-président du Conseil d'État de la République de Cuba, le ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba, le premier vice-ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba et chef d'état-major des Forces armées révolutionnaires, ainsi que le ministre cubain des Affaires étrangères.